je regarde chez eux. Je sais que tout n'est pas éternel. Pour moi, pour toi, pour l'amour et pour la vie. Un jour on se retrouvera dans le ciel pour l'amour éternel. Ensemble, ensemble. Un jour on se retrouvera dans le ciel pour la